Elle sera forte, saura tirer mon meilleur. Mon aiguilleur, ma douce, mon artilleur. On sera vainqueur jusqu'à pas d'heure. Je suis patient, je vais la trouver. Qu'importe le temps, je la chercherai. Je suis